Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio communautaire KFAI, 90,3 FM à Minneapolis et 106,7 FM à Saint-Paul. Radio sans frontières. Le programme que vous entendez est Bonjour Minnesota. Hello, you are listening to KFAI, Fresh Air Community Radio, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 in St. Paul, Radio Without Boundary. And you are listening to Bonjour Minnesota, a show in French and English with a lot of French music. And we talk about Francophile events of any kinds. And sometimes we have guests, sometimes we don't. And we hope to have guests next week. Yes, so indeed. As a surprise, you'll find out. Yes, that should be very nice. And tonight is a little bit of a different show. I mean, often we play some Radio France International music, which is a panel of new songs of various artists. And tonight I managed to convince my friends, Olaf and Dina, that because it's my birthday, I should play whatever music I want. So I also committed to play anything like appropriate. So no bad words. If you hear any, like, just cover your ears. And without ado, we're going to start with Vanessa Paradis avec Divine Idylle. Ensuite, on aura Alchimie avec Chercheur d'or. Et ensuite, on aura Damien Saez avec Les Enfants du Paradis. On y va. Ok. Dans un souffle réel, marchand de terreur, on s'est vendu par peur. Passent les heures et passent nos cieux, bloqués par tant de l'heure, de perte en contentieux, on s'est éloigné au mieux. Autant nous nous aimions, autant nous étions, des frères et des sœurs. Peur. Dès lors, il s'agit bien d'être des chercheurs d'or, de partager nos biens et de laver les torts. Dès lors, il s'agit bien de brûler tous les sorts, libre et serein, de laisser couler l'or. Autant nous aimions, autant nous étions. Des sourires, ils étaient des sanglots, ils étaient de ces rires que font les chants d'oiseaux, ils étaient des matins quand on va à bord de mer, ils étaient cœur chagrin, ils étaient cœur lumière, ils étaient des poèmes, ils étaient des oiseaux, ils étaient des je t'aime, qu'on dit bord du ruisseau, ils étaient du café, ils étaient du bistrot, ils étaient étrangers, ils étaient sans drapeau. Ils étaient de Paris, ils étaient de province, ils étaient cœur de pluie qui font mon cœur qui grince. Ils étaient pleins de vie, avaient l'œil du printemps. Ils étaient cœur qui rit quand le ciel est pleurant. Ils étaient des promesses, ils étaient de venir. Ils étaient bien trop jeunes, oui, pour devoir partir. Ils étaient fils d'Orient, fils de l'Occident, enfants du paradis, enfants du Bataclan. Ils étaient cœur français ou international. Ils étaient la rosée qui pleure dessous le châle. Ils étaient des promesses, ils étaient des bourgeons qui font monter tristesse. Ils étaient des chansons, ils étaient des familles, ils étaient des amis. Ils étaient ceux qui brillent dans le ciel de la nuit. Ils étaient amoureux, ceux qui se sont blottis l'un contre l'autre à deux, contre la tyrannie. Ils étaient comme toi, ils étaient comme moi. Ils n'étaient pas guerriers, mais sont morts au combat. Ils étaient cœur d'amour, ils étaient cœur qui bat, puis qui battra toujours, même en dessous la croix. Ils étaient ses amis que je connaissais pas. Ils étaient mon pays, et puis le tien, je crois. Ils resteront Paris, Paris se souviendra toujours de ses amis, la lumière brillera. Il s'appelait Je t'aime, il s'appelait Jeunesse. Il s'appelait Poème, il s'appelait Tendresse. Il s'appelait Frangine, il s'appelait Frangin. Il s'appelait Gamine, il s'appelait Gamin. Il s'appelait La Joie, et puis La Non-Violence. Il s'appelait, je crois, Les Enfants de la France. De tous les horizons, puis de tous les prénoms. Il s'appelait Amour, s'appelait L'Horizon. Il s'appelait Jacques Brel, puis je crois Barbara. Il s'appelait Le Ciel, il s'appelait Pourquoi. Toujours ici sommeil, l'horreur au creux du bois, qui rejoint l'éternel, va l'innocent je crois. Ils étaient poings levés, ils étaient nos concerts. Ils étaient cœurs serrés, oui face aux tortionnaires. Ils étaient cœurs deuillés, des fleurs face aux fusils. À nos cœurs endeuillés, nous pleurons nos amis. À l'innocent qu'on tue, oui tombé sous les balles, aux soldats inconnus sous l'horreur des mitrailles. Si sont les lettres mortes, les cantiques du chagrin, puisque frappe à la porte les plaines de Verdun. S'y sont tombés ce soir, en ce vendredi noir, les frères de mon pays, nous laissant désespoir. Mon pays, ta culture est morte, assassinée. Mais tu sais, ma culture n'en ne mourra jamais. Toi, mon pays Molière, toi, mon pays Vinci, toi, mon pays Voltaire, toi, mon pays Valmy, toi, mon pays la terre, toi, mon pays Paris, toi, mon pays parterre, relève-toi, mon pays, toi, mon pays lumière, toi, mon pays la vie, mon pays littéraire, mon pays triste vie, toi, mon pays mes frères, toi, frère de mon pays, comme on chérit sa mère, on chérit sa patrie. Et voilà, on est revenu. And we heard Vanessa Paradis, Divine Idylle. This so a divine love story, which was very nice. And then Alchimie, Chercheur d'or, Gold Diggers or Gold Seekers. Yeah. Or Prospector. Prospectors, Gold Prospectors. And a Gold Digger has a very bad image. Yeah, especially after weddings. Gold diggers, yes, stuff. Exactly. It's prospectors. And Alchimie has been in our studios, and they will be back sometime in October after having received some very prestigious prizes for their album. Yep. And they will record a new record here in the Twin Cities. They did already. Oh, they did already. Yeah. They are currently mixing in Switzerland. Okay. The record that they recorded in the Twin Cities, and they will come back in October to do the CD release party. Oh yeah. So and they are very positive about Minnesota and Minneapolis. They love it. So and we like to have them. Then the last one was Damien and Les Enfants. Les Enfants Paradis. Paradis, so the children of paradise. And cette chanson a été écrite en hommage aux victimes de Paris et du Bataclan du 13 novembre. Ah. It was homage. How do you say homage, that? Homage, yes. Or tribute, more an homage to the victims of the nightclub, the Bataclan. Yeah. And Damien Saez is very politically versed. Like most of his songs are very politically oriented and, you know, about fighting, not necessarily fighting the system, but fighting the apathy and, you know, talking about liberty and fighting the extremes. So it's... And that's exactly what KFII is about, right? I mean, yeah, the community. The community, exactly. And fighting for... giving everyone the answer, a voice. Yep. And so okay. So very nice choice. Let's give a voice to the Frenchies. Now, talking about a voice to the Frenchies, we are going to switch back I'm going to do it with 380 because it's a British who are going to sing in French. I found this song from David Bowie called Heroes, and the song is sung by David Bowie and in French. So it's a French version of Heroes. So that's going to be the next song coming up. After that, we're gonna hear Jacques Dutronc avec Il est 5 heures, Paris s'éveille. And it's pretty fast-paced, so if you speak French, you can catch some things, but he's going pretty fast when he sings this one. And after that, we're going to hear Jacques Brel, Quand on a que l'amour, which was also a song that was covered after the terrorist attacks in general, in order to, you know, to show that love can prevail, and we are stronger than that, and we're not versed into hate. So we're going to listen to these three songs, and we'll come back after that. Les dauphins savent nager, bien que rien nous quatre ensemble, nous le vaincrons à jamais. On peut être héros juste une chemin. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille.

Et voilà, on est revenu. So we heard David Bowie in Héros, Heroes. And actually, I mean, essentially what he sings about is that we can all be heroes if we do it right. And in one way, have our 15 minutes of glory. And that's maybe something that comes from his association or friendship with Andy Warhol. Yeah, it's very likely. And David Bowie, of course, is British, but his French was excellent. Yeah, I thought so too. I mean, I was really impressed. He had also an interpretation of, but in English this time, of Le Port d'Amsterdam. But because it was an English interpretation, I didn't retain it. Okay, no, it's very nice. I thought that version of Heroes, which had been pretty famous when he came out, was nice. And then the next one was Jacques Dutronc, Paris se réveille, Paris wakes up. And there, of course, he sings about it's 5 o'clock in the morning. Right. And here, and anyone who's been to Paris and come home after the bars closed, like at 3, 4, 5. Yeah, depends on the bars. Knows. I mean, you have the tank trucks cleaning the streets with water. You have people who are cleaning. You have people who are. Starting their day. Starting their day. Like the early birds. Exactly. And then when I was in Paris, I always felt a little bit, somewhat depressed. I mean, all these people go to work bright-eyed, and here we're coming. As the students, we were coming home. Really late. Really late. Well, or early. I mean, however you put it. But that was Jacques Dutronc, Paris se réveille. And the last one was Jacques Brel in Quand on n'a que l'amour, and in which he sings, I mean, if you have nothing but love, but it is a force in itself and it will be prevailing. Right. And that's what actually was also the title of the show that we saw at the Open Eye Theater, which that Dan Chouinard had organized. But this must be in somewhat earlier or late. It's a different version, yeah. It's somewhat different. And the orchestration is a little bit different than what it was. But it's very touching. I mean, his idea that if you have love, then you can overcome. Yeah. A lot of things. It's part of a best of. I mean, the album is called, like, I Am the Shadow of Your Songs, of the songs. And I have the year as being 2007, so I'm not sure what version they took, but it's a very strong version. Yes. So that's pretty nice. All right. Should we listen to more music? Yes, let's have more music. All right. So what's coming up is we have another song from Damien Saez, but because it's pretty strong and on ne voulait pas les accumuler, we really didn't want to stack them up, so I... So we're going to hear, the first song we're going to hear is from Sensimilia, and it's Tout le bonheur du monde. After that, that's going to be Damien Saez avec Tous les gamins du monde. And les gamins are the kids. The kids, yes. And after that, we're going to listen to Indochine avec J'ai demandé la lune, I ask for the moon. And I guess we're going to listen to the song to see if he gets the moon. All right, on y va. On y va. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir,

ça fait longtemps qu'on brûle plus les livres, les violences enfants de nos sociétés malades, de nos arts pris sous les terreurs des fusillades. À Cabu, à Tignus, à Sharp, à Volinsky, à tous les autres et puis aux fils de mon pays, à nos enfants misères qui savent même plus lire, il est temps mon pays, oui, de redevenir. Allez la terre, allez la France, allez mes frères, de tous les horizons, de toutes les frontières, que jamais ne plient nos genoux devant la haine, puisque toujours la force se nourrit de la peine. Ton pays chante ton prénom pour que là-haut, pour que Cabu boive un canon avec Manon. Si nous chantons, puis si nous chanterons encore, la liberté en mémoire de nos amis morts, autant que décideront tous les gamins du monde, ton nom sur les arbres et puis parfois des jocondes, aux pinceaux qui font les Vinci, les Volinci, puis tous nos frères qui font les cultures des pays. Amis, c'est pas fini, amis, il reste à boire dans nos sanglots qui viennent faire pleurer nos buvards. Retourner à la mine du crayon, contre leur champ de mine en tout genre mort ou con. C'est pas la prière des bons dieux que nous chantons, c'est celle de nos enfants libres sous leur crayon. Un trait pour mettre un peu de couleur à nos cœurs, pour dessiner des jours prochains, des jours meilleurs. Et si c'est un crayon, oui, contre la mitraille, alors que le papier soit le champ de bataille, que nos plumes à jamais gardent toujours leurs livres, qu'il est plus important d'être debout que de vivre. Ils peuvent assassiner nos corps mais pas nos âmes. Le souffle du néant n'éteindra pas la flamme. Tous les gamins du long charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Tous les gamins du long charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, toi mon ami, c'est pas l'ignorance, jamais qui sera le drapeau de notre France. KFAI is supported by the St. Paul Saints, celebrating 25 seasons of fun all summer long at CHS Field. Tickets and information available online at saintsbaseball.com. Et toi et moi, on était tellement... se disait quelquefois que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand chose à te dire, pas grand chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire. Le meilleur me fait souffrir. Lettre à P, P comme Paris, P comme... Let's talk a little bit about what's coming up. So we heard about different songs. First we heard Cincy Amelia, Tout le bonheur du monde, all the happiness of the world. And then the next one was Damien Saez again in tous les gamins du monde. Mm-hmm. So this is all the kids. Gamin is kid, but a little bit, but he's not yet teenager. But it's not a very small kid. No, it's more like, you know, I'd say between like 7 to 10-ish. 10, yeah, 11. Right. That gamin, yeah. Yeah. And so they sing about, what they have to go through and so on, and that we should leave the face freedom for all of these kids in the world, and they are not just specifying for one country or the other, for the entire world. And then Indochine in J'ai demandé la lune, I asked for the moon. Mm-hmm. It was a very poetic one. Yes. I mean, Indochine is more known for their, like, you know, new wave, but Indochine is a little bit like kind of like the Cure of France. I mean, but this one was very very laid back, and I really like it. Well, I have the album, and I think it's really my favorite of the album. Okay. More recent too. I mean, a lot of the success of Indochine was more like in the late 80s. Okay. And this one is more like, it came in later, like after 2000. So they had a big comeback in 2010. It's funny. Some of these French artists or bands, I mean, they disappear a moment donné. Yeah. And then all of a sudden they come back. Yeah. Yeah. Well, so not necessarily a bad thing. No, but better than not. Okay. All right, so the next three songs we're going to play, actually, maybe we should play four. The first one coming up is Paris Combo. So we know them pretty well here. They've been coming and visiting. Et le titre de la chanson, c'est La Lettre P. Lettre P comme Paris. And the song is really about Paris. Love of Paris, but not in a more like... pragmatic way, not necessarily super romanticized. And the one after that sera Tété, avec la chanson qui s'appelle À la faveur de l'automne. Belle chanson. Ensuite, il y aura Leonard Cohen avec The Partisan, qui a une partie en français et une partie en anglais. It's mixed. And it's a live. So it's not like the original song is great, but the recording are pretty, I thought, kind of dry. This one is like very moving. A lot of instrumental too. And the last song of that set will be, if we can make it until now, I'm not even sure we can make it, may have to stop before, Sophie Hunger. And she's Swiss, but she's from Swiss Germany, and she speaks and sings French. And the name of the song is, it's a cover. It's called Le Vent Nous Portera. It's a cover from Noir Désir that had a big success in the mid-90s with this song. And this cover is very fantastic. She has a fantastic voice and very soft but strong at the same time. So let's listen to it. On y va. Cette chanson s'intitule Lettre à P. P comme Paris, P comme pollution, P comme ça pue, ça sent mauvais l'été. C'est parti. J'ai mangé de l'autocar avec ses jantes, avec ses phares. Ensuite j'ai fumé une berline, pure essence raffinée de benzine. Paris, j'aime ton gasoil, l'odeur de ton excitation moteur. Paris, tu es la capitale, la lettre P en sonneur initiale. Car tu sens si bon l'été sous ta chape de plomb soufrée, que j'ai l'inspiration fatale. Tu seras toujours romantique, même autant tes monuments et font pleurer tous les yeux des amants. On a souvent chanté tes ponts à coups d'excès d'accordéon. Pour leur voici que ces flonflons vont louer tes pics de pollution. Avenue Bel Air ou sur les quais, on voudrait respirer en paix quand on sait que tes gaz sont fatales. Ça fait sourire ce P en initiale. Car tu sens si bon l'été sous ta chape de plomb soufrée, que j'ai l'inspiration fatale. Tu seras toujours romantique, même autour des pics qui goudronnent tes monuments. Ils font pleurer tous les yeux des amants. Pas pris, comme atmosphère, un air, comme le bon air de Paris, c'est l'asphyxie, yes, vraiment bon esprit, de nous faire inhaler ainsi, parmi les squares et les allées de si dangereux fumets, car tu sens si bon l'été, sous ta chape de plomb soufré, que j'ai l'inspiration fatale, tu seras toujours romantique, même autant. Tes monuments, ils font pleurer tous les yeux des amants.

the three of us this morning. I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. Leonard Cohen. So you are listening to KFAI Fresh Air Community Radio, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 in Saint Paul, radio without boundaries. And you are, the show you're listening is Bonjour Minnesota and KFAI.org as well. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul. Radio sans frontières. Et le programme que vous entendez, c'est Bonjour Minnesota. Et si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez bien nous téléphoner au studio. 612-341-0980. 612-341-0980. While the music is playing. While the music is playing, yes. We also have bonjourminnesota@gmail.com and on our Facebook page, Bonjour Minnesota, you can send us messages or posts. And if you wish to listen to some specific music or theme, or, you know, we try a lot of variety, but we'd love to have feedback. So what did we hear last? We heard last Leo Cohen. Cohen, Les Partisans. But first of all, we heard Paris Combo with Belle du Belle du Berry, and a very nice song about. She starts out. They have some kind of a rhythm that always reminds me of their signature song, which is Living Room. Mm-hmm. And in this case, so it's a song about the letter P, and she gets on to P as in Paris. And it just fits very nicely with today's hosts. I mean, you have Fred P. Poussin and Olaf P. Pfannkuch. So, my middle name is Patrice. Oh, very nice. So that's so that hits the mark. It exactly. Hits the mark. Yeah. The next one was Tété, à la faveur de d'automne, and he sings. He looks out through the window and he sees the autumn is coming and he's all melancholic. Well, I mean, autumn is not yet coming, but no, for us here. But we got time. And then finally, Leo Cohen in Les Partisans, which is partisan. Well, these are the resistance fighters, I mean, in various... half is in French, half is in English, and it's really the story of the resistance and, you know, resilience, too, I think, is one of the big things. This version was a live version from Helsinki in Finland, and I think it's a very nice one. Changes a little. So, and it's 9:04 now, and 4:04 in Paris. 4:04 in Paris, yes. And so still 56 minutes to get to Paris à 5:00. Yes. Yeah. When we'll be done at 10 o'clock, it'll be 5 o'clock in Paris, and les boulangers iront faire des bâtards. Yeah, they have to get up. I mean, I think he was getting up, my uncle was getting up like around 11 or midnight, depending on the season. Like in the winter, he was in a small village, so he was a baker, but he had a grocery store. But in the winter was pretty quiet, so midnight, maybe 1. But in the summer, it was more like 10 to 11. Yeah, and then they have to prepare the dough, mm-hmm. and then they have sit. Well, then they go to bed for a couple of hours while the dough rises. And then they're out again to actually fabricate and bake the bread, you know, or the croissants or whatever they got. All the goods we enjoy. Pardon? All the goods we enjoy. Yes. Toutes les bonnes pâtisseries. Donc, on n'a pas pu entendre Sophie Unger, donc on va l'écouter après. Et puis, on va continuer un petit peu dans la lancée. Ensuite, après Sophie Unger, il y aura Michel Polnareff. Avec le bal des Laz. Ensuite, il y aura Zaz avec Je veux. And that's a very nice song. I mean, not only I like her voice, but that song is very very nice too. Et ensuite, avec Zebda, Tomber la chemise. Donc, on va écouter un peu de musique et puis on reviendra après un petit peu plus tard pour parler des événements qui se passent dans les Twin Cities. On y va? On y va. Dans l'atmosphère des tâches. de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte, l'infinité de destins en opposant et qu'est-ce qu'on en retient. Je serai pendu demain matin, ça fera quatre lignes dans les journaux. Je ne suis qu'un vulgaire assassin, un vagabond indigne de ce château. Dans le château de Laz, peut-être bien que Jane, à le rouleau m'écrase, aura un peu de peine. Mais ma dernière phrase sera lui donner un autre fiancé, et que je ne pourrai pas supprimer celui-là. Bienvenue dans ma réalité. programming is supported by AMPRS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, announcing AMPRS.org. Featuring music, arts, and cultural stories, including many produced here at KFAI. Information and audio at AMPRS.org. AMPRS, diverse radio for Minnesota's communities. Et voilà, on est revenu. Et nous avons entendu Sophie Hunger. On se demande qu'est-ce que c'est comme nom. Mais c'est une Suédoise qui chante en français. Elle a chanté « Le vent nous portera ». So the wind carries will carry us. And it's kind of a melancholic song. Whatever happens, somehow or other, the wind, we will follow the wind, or the wind will blow us to wherever it decides that we should go. Yeah, kind of very passive. Yes. The next one is a little bit more lively. Michel Polnareff, Le Bal de Laz. And that is a song about, well, people who are dancing, ladies in white robes. Mm-hmm. And, well, the fun they have in this particular bal or dance. And that's followed by even much more energetic Zaz in Je Veux. I want, and she wants a limousine, she wants an Eiffel Tower, and you have to keep giving me things to keep me happy. So she doesn't want like any material things. And my understanding of the song is that she doesn't want to be rich. She doesn't want like a suite at the Ritz. And she wants to live more naturally. You know, I mean, yep. in a very materialistic society. She started out with all the things she enumerated, all the things that she could have or would have. Yeah. And then, yes, towards the end, then she said, I don't want it. I don't really want it. Well, so, yeah. But that was much more lively. I mean, it was. Yeah. Zaz is very lively, yeah. And she's great. I wanted to talk also a little bit about what's going on in the Twin Cities. So we have some events coming up. The one that's really coming like really soon, it's this week, it's on the 10th. It's Thursday, 6 to 7:30. It's the monthly apéritif en français at the Saint Paul University Club. It's like 420 Summit Avenue. It's from 6 to 7:30 and it's very casual. I mean, it's a group discussion. And you have been there? Have you attended it once? A couple of times. Yeah, a couple of times. So it's nice. It's after work, and it's a very nice place. So I mean, it's a bit fancy, and you know, to have a cocktail or a drink is after work is nice. Yeah, that's. It's a different spirit than Le Petit Déj, for example, because I went to Le Petit Déj at the Alliance Française this Saturday. And it's in the morning, and it's coffee and croissant, and there's more kids, and you know, it's a different setting. You know, the mood is different too. No, and we have to wake up. Club, it's called the University Club because it actually is not no real connection with any university, but I have no idea. Whatever it is, it's a very fancy club, mm-hmm. and it overlooks the bluffs. So it's quite the back of the club is really the view is fantastic. And then we talked a little bit last week about a band in Alsace, an evening in Alsace, and that's scheduled for the 11th on Friday. It's from 6 to 9 p.m. and it's at the German American Institute, so which is also on Summit Avenue. Right? Yes, I think it's almost kitty almost corner, across almost yeah. kitty corner from the almost across the street. Yeah. So it seems like there's no charge for admission, but I would strongly recommend to go to the Alliance Française to website to check out the schedule and the times, and there's a buffet with some price on it, so you can help yourself, but that should be a nice event. It's saying, you know, bring a cross-cultural beer garden night in Alsace. So if you don't know much about Alsace, it's a good time to learn about it. To find out, and you'll find out the easy way. Yes, the nice way. With the, whatever they have, beer and wine. I mean, yeah. They're both, they're known for both. Yeah, white wine especially, and Flammkuch. It's called Flammkuch. We used to have a restaurant in Paris that was the Flammkuch. Okay. And they were doing that, and it was really great. It's, yeah, these are like little pizzas, but yep, just plain, they're extremely good. Yep. And go very well with the white wine. And it's filling too. Yeah. I mean, like you can really like drink it and eat it without, you know. Yeah. It's not like your chips that leave you hungry or dizzy. So that's, I think you guys should go. What else do we get? For the teenagers, there's a canoe trip on the Mississippi. So that's scheduled for the 19th. It's on a Saturday from 4 p.m. to 7 p.m. It's in a partnership with Above the Falls. You need to RSVP to Alexi. And again, go to afmsp.org and you'll get all the information. What else coming up? The 17th. Cathedral and Gardens of Paris and France, Tourism and Camera Techniques. So we'll have time to talk about it when he comes. And that's about it. So we're going to... Do you have any announcements or anything to talk about? This... The summer is pretty quiet, so that's normal. All right, so the next song we're going to hear is going to be from Zebda. We talk about it. It's Tomber la chemise. After that, we're going to listen to Black M avec une chanson qui s'appelle Je suis chez moi. We're going to have I Am avec Je danse le Mia. C'est un remix pour tous nos amis marseillais. Ça va leur plaire. Et une dernière chanson un peu rap, dance, de Soprano, qui s'appelle En feu. Je suis en feu. Donc, et puis on parlera un peu plus de ces chansons et de ce qu'elles signifient après les avoir écoutées. On y va ? Allez. Stalagmites et de jolies filles, de docteurs d'acné. feu en sautant à l'envers. La tête en bas, c'était pas des paroles en l'air. Juste l'inviter à danser.

Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. Je suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la ville. Je suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Je suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Je suis en feu. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Je suis en feu. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car. Je suis en feu. Sors de la piste, fais nos grands dégâts de bandage. Je suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien de peu. Si tu me parles, rien de peu. Si tu me touches, rien de peu. Car moi ce soir je suis en feu. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Je suis en feu. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Coffey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien de peu. Si tu me parles, rien de peu. Si tu me touches, rien de peu. Car moi ce soir je suis en feu. El siguiente es un mensaje importante de Corazón Latino. A partir del 4 de agosto estaremos viajando a los viernes, desde las 2 hasta las 4 en la tarde, después de Lidia, antes de Pablo y Raúl. Alerta! On August 4th, Corazón Latino with Eve and Carla will be traveling from Tuesday to Fridays from 2 to 4 p.m. after Lidia and before Raúl and Pablo. Hello, Friday afternoon. Travel with us and we'll help you start your weekend with an afternoon of Sabor Latino here on KFAI. Voilà. Well, we heard Zebda, Tomber la chemise. Well, what let me take, let's take it off, take your shirt off. And basically, this is very, very, very nice. I mean, why they're taking it off? They're dancing so hard that it's getting very warm. So they're ripping off their shirts in order to be able to dance the way they want to dance. And Zebda is a group from Toulon. Is that right? Toulouse, okay. It's and not then, very far. And the next one is Black M, Je suis chez moi, in which he postulates, well, he is at his home and he can do certain things. So that I'm chez moi. He's entitled to do, and he's right. And then we have Yam, a group called Yam, which is from Marseille. Also. Mm-hmm. And they, Je danse le Mia. Mia is some kind of not like, but just the same some kind of a dance, like samba or like... Yeah, but it was like just a fad. A fad, right, you're right. So they're dancing there. And the last one is a soprano. It's a group from the Comorons, and that's an island archipelago in the Indian Ocean. Mm-hmm. And their song was En Feu, and they were singing all the time about setting something is brooding. I was going to say something is burning on fire, on like fire, really hot. Yeah. So, but the Comorons will not be so very hot because they are absolute almost at sea level, mm-hmm. and if the sea rises, they'll lose a lot of their territory there. So yeah. They're very, very concerned. Yeah. Well, the soprano is based in Marseille now. So yeah, now we're in Marseille, so that'll take a little longer before that is inundated. But true. All right. Should we listen to more music? Yes. Like the end of the hour is like we have about less than 15 minutes left. So the next song we're going to hear is Rachid Taha avec Bonjour. C'est aussi une collaboration avec le chanteur de Louise Attaque. Et ensuite, il y aura Taras Bulba avec Réveillez-vous. Et Les Négresses Vertes, C'est pas la mer à boire. Et Mano Negra avec Pas assez de toi. On va en rester là pour là. On va voir ce qu'on aura le temps de passer. Et puis, si on passe pas tout, on les passera une autre fois. All right, c'est parti. Hello Kitty, bonjour, violente femme. Bonjour Grace Kelly, bonjour madame. Hello Superman, bonjour, solitaire. Bonjour tous les jours, tout à l'envers. Oh, KFAI is a proud media sponsor of the 2017 Music in the Cafe series. Music in the Cafe features midday performances by local musicians at the Landmark Center, 75 West 5th Street in downtown St. Paul. This week, Brian Wicklund and Mike Kramer will perform from 1 to 2 p.m. on Wednesday, August 9th. Music in the Cafe. Enjoy your lunch break. Programming on KFAI is supported by the Minnesota Spokesman Recorder newspaper. The Minnesota Spokesman Recorder has served Minnesota's African American community with original news, stories, and information for over 82 years. In addition to news and stories, the MSR includes opinion pieces, sports, entertainment, obituaries, wedding and birth announcements, and more. Subscription information is available at 612-827-4021.